Je voulais rester dans l'ombre, mais la lumière m'appelle. J'ai augmenté mes prix. C'est partout pareil, donc j'évite de trop parler. J'suis perché de la veille, mais j'ai toujours full inspire. Ma chérie, t'es pas sainte, non, connue dans tout Paris. Avec elle faut parler, en quotidien ou tennis. Tous les jours je prends des risques, j'prends de l'âge, je m'embellis. J'quitte le nord, j'suis à Beris, comme Vegeta, j'suis impoli. Tous les jours je prends des risques, j'prends de l'âge, mon 9000. J'ai des sommes dans la valise, quand j'suis t'écrase, je la passe. J'suis sur le terrain ici, j'suis dans le bando. J'vois les banaliser, dans le rétro. J'lui donne pas l'heure, non, j'suis pas les autres. J'tartine comme Freezer dans le vaisseau. J'ai le gamme au ski de gris. J'suis dans ma berline. J'arrive dans ma suite. Elle veut pas dormir. On court derrière le bif. Ennemi, j'compte par 10. J'vais viser dans le mille. Fumer ma blueberry. Dans son jean, j'vois ses vis. J'aurai aucune surprise. En gourmandise, elle te le part de mon vice. Tous les jours je prends des risques, je prends de l'âge, je m'embellis. Je quitte le nord, je suis à Beris, comme Vegeta, je suis impoli. Tous les jours je prends des risques, je prends de l'âge, mon 9000. J'ai des sommes dans la valise, quand je suis décrage, je la fasse. Je suis dans le bando, je vois les banaliser dans le rétro. Je lui donne pas l'heure, non, je suis pas les autres. Je tartine comme Freezer. Dans le vaisseau, j'ai le gamme au stick gris. J'suis dans ma berline. J'arrive dans ma suite. Elle veut pas dormir. Elle veut pas dormir, elle veut faire la folle. Non, non, non, j'voudrais lui nuire, mais j'crois que j'la love. Ouais, ouais, ouais. Elle veut pas dormir, elle veut faire la folle. Non, non, non, j'voudrais lui nuire. Je crois que je la love. J'ai le gamme au stick gris. J'suis dans ma berline.